Vous êtes à l'écoute de la radio Isanganiro. Bonjour chers auditeurs et auditrices et bienvenue à ce journal en langue française. Et tout d'abord les titres. Plus de 400 milliards de francs burundais, la somme d'argent que le gouvernement burundais aurait perdu au cours de l'année 2021. Propos de Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, lors d'un point de presse tenu ce lundi. Et plus de 300 vaches de la province d'Ngozi sont concernées par la campagne provinciale et d'insémination. L'inséminateur provincial dit qu'il y a des avantages comme amélioration de la race et augmentation de la quantité du lait. Et la désignation du Burundi à la présidence de la communauté est-africaine prouve l'amélioration de son image. Analyse de Dr. Guillaume Ndaikengurutse, professeur en sciences politiques et relations internationales. Et vous allez le suivre dans ce journal et chronique sport. Nous allons vous parler de Ceci Foot, un jeu de football destiné aux personnes aveugles. Voilà pour les titres. Eric Ouimana sur la mise en onde. À la présentation, Jean-Marie Mayonga. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bonjour. La désignation du Burundi à la présidence de la communauté est-africaine prouve l'amélioration de son image. Analyse de Dr. Guillaume Ndaikengurutse, professeur de sciences politiques et relations internationales à l'Université du Burundi, après que le Burundi ait été élu à la présidence de la communauté de l'Afrique de l'Est. On l'écoute au micro de Vestine Boutoy. Premièrement, je dois dire que sur le plan symbolique, le fait que le Burundi assure la présidence de la communauté est-africaine, c'est symptomatique des relations internationales, des relations avec les pays voisins qui s'améliorent énormément. Parce que vous savez, il y a eu plusieurs fois que le Burundi n'a pas voulu assurer cette présidence pour des raisons qui étaient évidentes, non seulement sur le plan interne, tout n'allait pas très bien, mais aussi sur le plan international, les relations n'étaient pas au beau fixe. Et donc, d'abord, sur le plan symbolique, ça montre qu'il y a une amélioration de l'image du pays. D'ailleurs, le président de la République avait dit dans son discours d'investiture que l'une de ses préoccupations, c'est de redorer l'image du pays, c'est de travailler au retour du Burundi dans le concert des nations. Donc, cette décision est symbolique à ce titre. Et c'est une décision qui vient matérialiser le fait que, effectivement, le Burundi s'ancre de plus en plus dans l'arène internationale. Lorsque le Burundi refusait cette position, qu'est-ce qu'on avait perdu? Les pertes sont là, mais je pense qu'il faut beaucoup plus être analytique sur ce point. Parce que au regard d'abord du contexte politico-sécuritaire interne qui prévalait, mais aussi au regard du climat des relations avec les pays voisins, les pays membres de l'EAC, mais aussi avec les autres partenaires internationaux, il y a lieu de se demander si cette décision d'assurer la présidence de l'EAC aurait été très bénéfique pour le pays. Donc je pense qu'il est très difficile de dire qu'il y a eu des pertes. Et quant aux arriérés de la cotisation du Burundi, il y a eu des efforts dans la réduction de la dette. Dr. Guillaume Ndaikengurutse trouve que le Burundi devrait profiter de son actuelle position pour modifier certaines règles relatives au PMA dans le même montant, alors que tous les pays n'ont pas le même poids économique. Encore une fois, Dr. Guillaume. On me signale que l'élément n'est pas encore prêt. On continue le journal. Plus de 400 milliards de francs burundais et la somme d'argent que le gouvernement burundais aurait perdu au cours de l'année 2021. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques parle de l'argent qui devrait être dans les trésors publics, mais détourné par certains individus dans des dossiers de corruption. Dans un point de presse animé ce lundi, Gabriel Rufyiri, président de l'Olicom, a indiqué que les secteurs touchés par ces corruptions sont les marchés publics, l'administration locale et les entreprises à participation publique. Il appelle le gouvernement à prendre des mesures pour atteindre le développement tant souhaité. Suivez Gabriel Rufyiri. On a travaillé sur les dossiers de corruption. On a fait des enquêtes, on a publié des dossiers où on sentait l'odeur de la corruption. Mais aussi, on a travaillé sur la gouvernance en général. On a travaillé plus particulièrement sur des dossiers qui concernent le marché public, le budget général de l'État, les minéraux, les inégalités sociales, et bien d'autres dossiers. Pour cette année qui est concernée par ce rapport, on a traité 68 dossiers sur 147 qu'on a enregistrés et on a trouvé un montant de plus de 400 milliards qui se trouve dans les poches de quelques individus. Malheureusement, ce montant ne devrait pas être dans ces poches, mais plutôt dans le trésor public. Les secteurs les plus impactés par la corruption, on a identifié principalement les marchés publics, l'administration locale et dans les entreprises à participation publique. Nous pensons que quand ça y a sur la volonté du président, que peut-être il y aura changement. Parce que s'il n'y a pas ce changement, le développement que nous souhaitons, en tout cas, on n'en aura pas. C'est sur le développement du Burundi que tous les Burundais espèrent. En résumé, ce rapport, c'est un rapport certes qui présente des espoirs, mais aussi nous avons beaucoup d'inquiétudes. C'est pour cette raison qu'on a émis plusieurs recommandations à l'endroit de plusieurs partenaires, plus particulièrement au gouvernement du Burundi, parce que c'est le gouvernement qui est en charge de l'exécution des aspirations du peuple burundais. Gabriel Oufiri, président de l'Olico, mais revenons sur la nouvelle rapport avec l'intégration dans la communauté est-africaine du Burundi. Le professeur Guillaume Ndakengurutse s'est exprimé quant aux arriérés de la cotisation du Burundi. Il y a eu des efforts dans la réduction de la dette. Dr. Guillaume Ndakengurutse trouve que le Burundi devrait profiter de son actuelle position pour modifier certaines règles relatives au paiement d'un même montant, alors que tous les pays n'ont pas le même poids économique. Suivez Guillaume Ndakengurutse. Très difficile de savoir que la dette que le Burundi avait accumulée tout au long de ces années a été épuisée. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des efforts, il y a eu des montants qui ont été décaissés dans ce sens. Mais il m'est très difficile de dire que toute la dette est maintenant apurée. Pourquoi on cotise le même montant alors qu'on n'a pas le même poids économique ? C'est effectivement un défi, si vous voulez, un enjeu au niveau de cette communauté, le fait que les pays cotisent les mêmes sommes. Mais pour comprendre, il faut remonter aux origines de la communauté est-africaine. Il y a les États fondateurs de la communauté, à savoir l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. En ce moment-là, il n'y avait pas tellement d'écart dans le domaine économique entre les trois pays. C'était des pays qui s'équivalaient relativement sur le plan économique. Donc cette règle de cotisation équitable, c'est une règle qui pouvait marcher. Alors, le Rwanda, le Burundi, des pays comme le Sud-Soudan ont adhéré à la communauté par la suite. Il y avait déjà cette règle qui n'a pas été changée. Et je pense que la présidence de la communauté est-africaine qui va être assurée par le Burundi peut constituer une opportunité pour discuter de cette question, voire même pour la modification de ce genre de règles. Je n'ignore pas que c'est un processus très long et très complexe, mais c'est quelque chose qui pourrait être mis à l'agenda des organes de la communauté est-africaine. Sinon, ça reste injuste à l'égard des États qui n'ont pas le même poids économique. Radio Isanganiro, journal continue, page sécurité. Un corps d'un homme a été découvert très tôt, ce lundi matin, à la 8e avenue de Musenya, commune Mpanda, province de Bubanza. Selon les témoins sur place, il s'agissait des trois voleurs qui ont troué le mur d'une maison. Et quand le premier est entré, le chef de la famille s'est défendu et l'a grièvement blessé à la machette au niveau de la tête. Les deux autres se sont volatilisés durant la nuit. Celui qui a été attrapé est sorti, mais il est tombé à côté de cette maison. Les mêmes sources précisent que la victime n'avait aucune pièce d'identité sur lui, mais les habitants de la localité ont reconnu qu'il a vécu à Musenyi il y a quelques mois. Le chef de colline Musenyi indique qu'il a déjà commencé à chercher la famille de cet homme afin de procéder à l'enterrement. Et en Ngozi, début ce lundi de la campagne provinciale d'insémination des vaches en Ngozi, où plus de 300 vaches sont concernées. Selon Innocent Nakarutimana, inséminateur provincial, les avantages de l'insémination sont nombreux, et parmi lesquels l'amélioration de la race et l'augmentation de la quantité laitière de la viande. La population bénéficiaire salue la gratuité de cette activité. Le point avec Apollinaire Muzagar. Cette campagne d'insémination a débuté ce lundi en zone Mivo de la commune et province Ngozi. Dans cette province Ngozi, plus de 300 vaches, dont 154 de la commune Ngozi, sont concernées par cette activité qui durera un mois selon l'inséminateur provincial. Toutes les vaches d'Ngozi ne seront pas malheureusement touchées. Innocent Nakarutimana dit être limité par l'insuffisance du matériel, notamment les hormones et semences. Son vétérinaire parle d'importants avantages de l'insémination et c'est notamment l'amélioration de la race bovine, car la vache inséminée donne envie de bonne race. Il s'agit aussi, selon Innocent Nakarutimana, de l'augmentation de la production laitière et viandeuse et autres. La province Ngozi compte plus de 60 000 vaches au total et environ 9 millions de litres de lait en provenance de cette province ont été vendus à Bujumbura l'an passé 2021. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci à toi, Apollinaire Mozagara. L'existence de la Banque des femmes et l'intégration des femmes dans des coopératives est l'un des moyens pour créer des opportunités entrepreneuriales pour les femmes de la commune Muyinga, estime certaines des femmes entrepreneurs de cette commune. Oma, où l'association des femmes entrepreneurs en FAB suggère les femmes à développer l'estime de soi au cours de leurs activités. Et l'administration provinciale trouve que le travail en commun, l'accord entre le mari et la femme, et le bon pas à la réussite. Avant de passer à la chronique sportive et à l'actualité internationale, ce début de Ramadan, le prix de certaines denrées de première nécessité, dont l'huile et l'huile, le sucre importé ont grimpé. Le phénomène est présent aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique de l'Ouest, note Mali Tribune à Bamako. Les prix flambent sur tous les marchés au Burkina, remarque également le pays à Ouagadougou. Et cela est beaucoup plus observable en ce qui concerne les prix de denrées de première nécessité. Radio Isanganiro, chronique sport. Ceci, foot est un jeu de football destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes qui se joue en deux équipes dont chacune est composée par cinq joueurs. Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique, fait savoir que parmi ces joueurs, un gardien de but peut être voyant ou malvoyant. Les détails avec Marie-Claire Cazenez. Ceci foot est un jeu de football destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes qui est similaire au jeu de football normal mais qui se diffère selon les règles. Propos de Cassien Bizabigomba, directeur technique adjoint au sein du Comité national paralympique. Le ceci foot se joue comme le football normal. Donc c'est un jeu de football comme le football de la FIFA, comme le football des associations de football de tous les pays du monde. Seulement, ce sont les règles officielles qui sont différentes et qui différencient les deux jeux. Donc le jeu de football des valides et le jeu de football des aveugles ou malvoyantes. Il ajoute que ce jeu se joue en deux équipes dont chacune est composée par cinq joueurs. Le ceci foot est un jeu de football comme tant d'autres, qui admet 5 joueurs par équipe. C'est-à-dire que dans 5 joueurs, 4 sont totalement aveugles. C'est-à-dire que les 4 joueurs totalement aveugles sont catégorisés du groupe B1. Donc, ils sont tous dans le groupe B1. Et un gardien de but, qui est le 5e, et qui peut être voyant ou malvoyant. Donc, le 5e joueur est un gardien de but qui peut être voyant ou malvoyant. Donc, s'il est malvoyant, il est catégorisé B2. S'il est voyant, il est catégorisé B3. Ce directeur technique agent au sein du Comité national paralympique indique que ceci foot vient de deux noms, à savoir la cécité, le terme médical qui signifie la perte de la vue, et le foot qui vient du nom football. Comme le nom l'indique, le ceci foot vient de deux noms. Le premier nom, c'est la cécité, qui signifie, du terme médical, la perte de la vue. Le foot vient du nom football, donc je ne peux en aucun cas donner une autre signification qu'est le football. Donc je peux dire que c'est le jeu de football pour les aveugles. Et le CECIFOOT, donc, est un jeu de football destiné aux personnes aveugles et ou malvoyantes. C'est comme ça que je peux définir le nom CECIFOOT. Dans la prochaine chronique sportive, Cassien Vizavi Gomba expliquera comment se déroulent les compétitions officielles de CECIFOOT. Merci à Marie-Claire Kazeneza. Je vous l'avais dit, l'existence de la banque et des femmes et l'intégration des femmes dans des coopératives est l'un des moyens pour créer des opportunités entrepreneuriales et pour les femmes de la commune Muyinga, estiment certaines des femmes entrepreneurs de cette commune. Au moment où l'association des femmes entrepreneurs AFAB suggère les femmes à développer l'estime de soi au cours de leurs activités, l'administration provinciale trouve que le travail en commun accord entre le mari et la femme est le bon pas à la réussite au Mendoaye. Avoir une conviction et la foi dans une activité est l'étape la plus importante de l'entrepreneuriat féminin. Les femmes de Muyinga estiment que le regroupement en association et la venue de la banque des femmes sont des atouts pour l'entrepreneuriat féminin. J'ai commencé par demander l'adhésion dans la coopérative des hommes fabricants les briques, fabriquer les briques. C'est un travail fatigant, mais j'ai réussi à m'adapter. J'ai espoir que la Banque des femmes nous octroyera des crédits. On peut avoir des doutes lors de la demande du crédit à la banque. Mais si les études du projet ont été bien analysées, on parvient à réussir. Immaculée Nsengiyumva, présidente à la FAB, fait savoir que se faire confiance et croire dans la réussite est très important dans l'entrepreneuriat des femmes. Denise Ndarouhe, qui est chef du cabinet du gouverneur, invite les femmes à approcher la Banque des femmes pour avoir des crédits. On est des problèmes de capital, le gouvernement du Burundi a déjà répondu à la question en créant la Banque des femmes. Nous invitons toutes les femmes et filles à pouvoir s'organiser en association ou en coopérative pour demander des crédits au niveau de la Banque des femmes. L'essentiel, c'est la collaboration entre le mari et la femme, le dialogue dans la famille. S'il n'y a pas de dialogue entre le mari et la femme peut travailler et gagner ce qu'elle gagne et l'amener dans sa propre famille. Ne pas l'amener au niveau du ménage qu'elle forme avec son mari. La Banque des femmes a ouvert ses portes le 3 mars dernier. Merci à toi, Omer Ndouayo. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Wimana pour la collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Au revoir et bon après-midi chez vous.